Exercice 11, page 137. A. Boulanger, boucher, bijoutier, voiturier, libraire. B. Active, sportive, visible, fictive, pensive. C. Disponible, comestible, possible. Pensive, sensible. D. Abonné, arrivé, avalé, avancé, achevé.